Épisode spécial aujourd'hui, on a demandé vos questions, vous nous en avez posé beaucoup, on va tout de suite y répondre dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Salut Benoît, très content d'être avec toi une nouvelle fois, comment vas-tu ? Salut Ewan, bonjour à tous, bah pareil, très heureux de te retrouver aujourd'hui, juste après le petit repas du dimanche midi, très bien, et toi ? Bah ouais, impec, alors comme je l'ai dit, épisode spécial aujourd'hui, puisqu'on on fait une FAQ, donc une foire aux questions, on va répondre à toutes les vôtres, et il y en a eu pas mal. Pourquoi on fait ça maintenant ? Eh bien parce qu'on cherchait une manière un peu, on va dire, faire un truc un peu original pour fêter notre 200e épisode. Alors celui-ci n'est pas à proprement parler le 200e, mais bon, on avait un trou dans le calendrier, enfin plutôt une place libre, donc on l'a mis là. Je crois que le 200e, si j'ai bien calculé, ce sera dans 4 épisodes, donc il me semble l'épisode du 16 octobre. Voilà, mais bon, on a pris un peu d'avance pour fêter la 200e, et on a un autre épisode sans tournoi, une autre semaine sans tournoi la semaine prochaine, et on a un épisode très très cool pour vous, on vous le décrira un petit peu en fin d'épisode. Je vais pas perdre plus de temps, parce que il y a beaucoup de questions, donc voilà, à chaque fois on va vous lire les questions, et la personne qui les a posées, essayez d'y répondre au mieux. Benoît, première question, on va enchaîner un peu entre les sujets qui concernent plus le podcast et plus le BAD. On va commencer avec une question un peu simple, Benoît, que je te pose, de Boucher qui nous dit « Question un peu bête, mais comment vous êtes rencontrés ?» Donc déjà, question pas trop bête, je trouve, mais est-ce que tu peux y répondre ? Je peux y répondre. On s'est rencontrés aux IFB 2016, non ? 17. 17. On bossait pour un média tous les deux avec Ewan. On était rédacteurs, tous les deux rédacteurs bénévoles pour un média. Et en fait, les IFB... Qui s'appelle Badmania. Je spoil, c'est Badmania. Hein. Oui. C'est ça. Et on s'est rencontrés là-bas. En fait, on était rédacteurs. Et c'était un peu le moment de réunion des rédacteurs, les IFB. Parce qu'on venait tous pour écrire beaucoup d'articles sur la semaine. Et c'était une sorte de récompense, on peut dire. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, en fait, ouais, c'est ça. On s'est rencontrés en vrai. Après, on s'était déjà parlé avant, oui. À distance, du coup, puisque en fait, on a été Badmania recruté un peu à l'époque, ouais, peut-être un peu moins maintenant, mais recruté des rédacteurs bénévoles par vague, on va dire. À chaque fois, ils ont recruté 4-5 d'affilée. Donc, nous, on était dans la même vague, on va dire, avec notamment avec Marius, que vous avez déjà entendu il y a un petit moment maintenant chez nous. Et effectivement, ouais, on s'était un peu parlé avant et on s'est rencontrés aux IFB 2017. Et moi, à titre personnel, je pense que j'ai fait les IFB 4-5 fois, je pense, en tout, peut-être 6. Mmh. Et c'était vraiment... Je pense que c'était mes préférés, parce que pendant cette semaine, on a beaucoup rigolé. il était très clair qu'avec Benoît, on allait plus trop se lâcher après. Voilà, bah tiens, on va rester sur les questions de Boucher, tiens. Il nous dit aussi, si vous aviez des choses à changer dans le BAD, qu'est-ce que ça serait ? Entre parenthèses, règles, organisation, etc. Benoît, je te laisse commencer peut-être ? Ouais, c'est une question pas facile, mais j'ai quand même réfléchi pour donner un truc un peu concret. Moi, perso, je changerais un peu le calendrier. J'aime pas comment il a évolué. Pour moi, il y a trop de dates, trop de tournois. Et en fait, ce que je changerais plus précisément dans ce calendrier, c'est l'obligation pour certains joueurs d'atteindre un nombre de quotas dans les tournois. Je pense que c'est vraiment un truc qui, moi, enfin, aujourd'hui, me saoule un peu que des mecs se sentent obligés de venir. Et c'est pareil dans d'autres sports, je pense notamment au tennis où c'est le cas, mais. Si t'as pas envie de venir, qu'on te force pas à venir, mais que tu viennes pas. Je pense que c'est un des trucs qui me saoule un peu dans le BAD actuel. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de dates qu'avant. Ouais. Alors il y a le principe de tournée que moi j'aime bien. Oui. Parce que au moins comme ça, voilà, ça, on peut rester dans l'ambiance plusieurs semaines d'affilée et écologiquement c'est mieux. Après évidemment ça fatigue les joueurs. Moi si je devais changer quelque chose, c'est, je sais pas si c'est, voilà, si c'est intéressant ou pas. Je trouve que ce serait un peu sur l'arbitrage. J'aimerais que l'arbitrage soit plus, comment dire, peut-être un peu plus souple, plus permissif avec les joueurs, de les laisser un peu plus s'exprimer. Par contre, je le voudrais plus égal. Parfois tu as des arbitres très sévères, parfois tu as des arbitres qui laissent un peu tout faire. Je trouve qu'il y a des règles qui devraient plus être respectées, parfois je trouve que les arbitres sont, enfin au BAD on n'aime pas trop quand les joueurs s'expriment. Je trouve que voilà, on devrait laisser un peu plus. Par contre, quand tu essayes de gagner du temps, quand tu essayes de déstabiliser l'adversaire, ce genre de choses, je trouve que plus de cohérence. Je trouve que voilà, l'arbitrage manque parfois de cohérence. Et voilà. Et après, bon, c'est une question de budget aussi, mais plus de Hawkeye et de moyens un peu plus professionnels dans certains tournois, on en a déjà parlé, mais... Ouais, il y a une autre question, je pense, qui va te renvoyer à ça aussi. Ouais, voilà. Parfois, il y a des très grands joueurs sur certains tournois et on a l'impression qu'on les reçoit comme si c'était, j'allais dire, un TRJ, mais un TRJ, c'est déjà très bien organisé, donc ça marche pas. Question suivante de Toinou154. Quel a été le déclic, l'un comme l'autre, qui vous a fait commencer à suivre le BAD européen et international ? Une compétition, un joueur, une joueuse, un match ? Alors, je vais commencer pour celle-ci. Ouais. Moi, j'ai essayé d'y réfléchir, mais c'est compliqué. J'ai commencé le BAD quand j'arrivais au collège, donc je pense que j'ai dû commencer vers 2007-2008, mais j'ai pas commencé à suivre le BAD tout de suite. Moi, donc j'ai joué pas mal d'années à Arras, et je pense que c'est ça qui m'a un peu mené vers le suivre le haut niveau, parce qu'ils avaient une équipe une équipe qui a progressé, N3, N2, N1, et ensuite top 12 un peu plus tard. Et je pense que c'est en suivant un peu... cette équipe-là, je me souviens notamment de l'arrivée de Xenia Polikarpova quand ils étaient en N1, qui était pour le club d'Arras. C'était un peu un gros truc, donc je m'étais dit, ah tiens, qu'est-ce qu'elle fait en tournoi, qu'est-ce qu'elle fait le reste du temps et tout. Et je pense que c'est un peu comme ça, évidemment, les Français, suivre les Français sur les tournois. Et puis après, quand je suis arrivé à Badmania en 2016, là, je me suis vraiment mis à fond. Et toi, Benoît, dis-moi. Bah, pareil, bon, je sais pas si c'est une réponse un peu nulle, mais il n'y a pas eu un... Enfin, tu vois, genre, pas une finale de Coupe du Monde, comme on pourrait se dire au foot, où ça m'a fait un déclic. Juste que quand je me suis mis au BAD, en fait, j'ai commencé à jouer avec mon père, et c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc de... Ben, quand je joue au foot, je me suis mis à suivre le foot, et plus globalement, j'adorais le sport. Donc, en fait, pour moi, c'était une évidence qu'à partir du moment où je faisais ce sport-là, il y avait le haut niveau, en fait, que j'avais envie de suivre. Mais comme j'avais fait du tennis de table ou du tir à l'arc, tu vois. Genre, pour moi, c'était une évidence que quand tu pratiques un sport, tu t'intéresses à son histoire, à son haut niveau et tout. Donc, je dirais que c'était plus l'évidence du sport que tu pratiques et de l'intérêt que tu portes. Et puis, oui, il faut le dire aussi, toi et moi, Benoît, on est des gros fans de sport en général, au-delà du BAD. Carrément. Et globalement, on suit l'actualité de pas mal de sports, je pense, tous les deux. Ouais. Autre que les sports qu'on pratique même, donc c'est vrai que c'était un peu logique pour nous de suivre ça. On a une petite catégorie BAD français aussi, où il y a eu pas mal de questions, donc je vais poser la première question de cette catégorie. C'est Zoé qui nous l'a posée sur Instagram. Le joueur français et la joueuse française en qui vous placez le plus d'espoir, Benoît? C'est une bonne question. Il y en a d'autres qui vont nous mettre plus dans la sauce dans cette catégorie, je pense. J'imagine qu'on parle de junior au moins. On peut considérer que c'est ça. Ou pas forcément. Ah, je sais pas, parce que tu vois, pour moi, par exemple, les Popov, tu vois, est-ce qu'ils sont plus du tout juniors, mais est-ce que, par exemple, tu les vois un jour être champion du monde, pareil pour Merkley, ou alors médaillé mondial ou olympique, tu vois, pour moi, c'est pas forcément des juniors. D'accord. Ah bah alors Zoé. Même Jikel Delru, tu vois, Jikel Delru, champion du monde, c'est un espoir, tu vois. Zoé, tu nous diras, mais du coup, je vais répondre. Alors, chez les. Disons que de manière générale, moi, je crois beaucoup en Christo. Je pense que c'est lui qui... Moi, j'y crois énormément en Christo, honnêtement, pour être top 10 mondial un jour. Voilà. Et chez les filles, c'est un peu plus dur, honnêtement. C'est un peu plus dur, mais je crois pas mal en Thea Marguerite, qui est junior actuellement, capable de jouer sur deux tableaux et qui joue à Saint-Maur, où je dis une énorme connerie. T'as pas l'info sûrement, oui. Ok. J'ai un doute. Non, mais voilà, je crois beaucoup en Thea Marguerite. Et honnêtement, dans le haut niveau féminin actuel, hors junior, je pense qu'il y a d'autres questions qui vont revenir là-dessus. Mais moi, je sais pas, je crois pas en grand monde, honnêtement. Et chez les juniors garçons, je dirais Alex Lanier et Tom Lalo-Trécart en double homme. Et double mixte. Dont tu as parlé la semaine dernière. Ouais. Et Alex Lanier, parce que tout le monde pourrait le dire, très clairement. Alors, on va en reparler de ça, mais moi, je vais commencer par les filles. J'aime bien Anna Tatranova. Ok. J'ai du mal à voir quel va être son plafond, mm-hmm. Mais je me dis que dans un tableau, et on en reparlera donc dans un tableau où on a un peu de, mal, même beaucoup, à savoir le simple dame, je pense qu'elle peut apporter... Ouais, elle peut apporter clairement quelque chose d'intéressant. J'ai hâte de l'avoir un peu plus. Elle aura la confiance en tout cas. Ouais, pardon. Enfin, on sera obligé de lui attribuer la confiance, tu vois, à un moment donné, parce que on n'a pas grand monde d'autres. C'est ça. Mais j'y crois. Ok. Et après, alors bon, c'est dur de ne pas citer Alex Lanier, mais ouais. j'ai également pas mal d'espoir dans Arnaud Merquet que j'aime beaucoup. Et dont je trouve, on parle peut-être pas assez parce qu'il est moins jeune qu'Alex Lanier et peut-être moins présent sur les réseaux et dans l'actu que les pop-off. Mais je pense que Arnaud Merquet va falloir, je pense, dans quelques temps le considérer autrement parce que je pense qu'il a été un peu gêné par sa blessure là, mais je pense qu'il peut nous faire une montée en flèche et je pense que. Je ne suis pas sûr que dans quelques années, il aura quelque chose à envier à Christo, par exemple. J'aime bien j'aime beaucoup cette position. Je sais que tu la partages aussi un petit peu, Benoît, même beaucoup. Donc, hâte de voir ce que va faire de sa carrière Arnaud Merquet. Benoît, on a Richard qui nous demande quel est l'invité, joueur ou entraîneur, etc., que vous rêveriez d'avoir dans le podcast. Je te laisse commencer, peut-être. Est-ce que t'en as un ou une? Ouais, moi j'adorerais pouvoir parler à Mathias Beu parce que c'est un joueur que j'adorais. Mm-hmm. J'adorais son caractère, j'adorais son style de jeu. Et en plus, maintenant qu'il est coach en Inde, je pense qu'il doit avoir une vision très intéressante du badge. J'aimerais bien, par exemple, lui poser des questions sur l'évolution du double homme entre son époque et maintenant. Ça avait l'air d'être un joueur assez intelligent, donc je pense qu'il aurait des choses intéressantes à dire. Donc je pense que c'est à lui que je pense en premier. Je pense que t'aurais répondu à Hans-Christian Wittingus si t'avais pas déjà eu l'honneur de l'interviewer, peut-être. Aussi, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, quand on était à Badmania, j'avais la chance de lui parler. C'est vrai que il était un peu en haut de ma liste. Mais lui reparler, ce serait très intéressant aussi, évidemment. Oui, s'il nous écoute et qu'il veut venir, évidemment, que c'est open pour lui. Moi, c'est Arnaud Merquet. Ça peut paraître... on va pas vous mentir, on en a déjà parlé avec lui, ça aurait pu se faire, ça se fera sûrement un jour. Mais en fait, c'est vraiment, au-delà de parler de badge, il partage aussi sa vie sur les réseaux sociaux et disons que je pense que c'est vraiment le joueur, alors aussi parce qu'on est proche générationnellement et par l'âge, mais je pense que c'est vraiment un joueur avec qui je pense qu'on pourrait parler au-delà du badge et ça, c'est vraiment un truc qui me plaît quand on a des interviews. Ça a été le cas pour certains joueurs qu'on a eu notamment, mais c'est vraiment un truc... Je sais pas, moi c'est vraiment un truc vraiment qui me... Je sais pas si toi tu partages, mais qui me fait kiffer de parler d'autre chose que de bad avec des joueurs de haut niveau. C'est clair, et quand tu sens que ils font quelque chose au-delà du bad et qu'ils sont intéressants globalement en tant que personne, c'est clairement un kiff. Dans le bad, je trouve que contrairement peut-être à d'autres sports plus professionnalisés, on a cette chance quand même qu'il y a des personnalités intéressantes, et notamment dans le bad français, je trouve. Mm. Donc on a cette chance. Alors Nico du Limousin nous avait demandé comment le BAD doit-il évoluer classement réglementation. On en a un peu répondu avec la question tout à l'heure, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Benoît? Moi honnêtement, le classement, je sais que c'est revenu dans pas mal de questions sans parler de positif ou de négatif. Je sais pas si moi le classement d'aujourd'hui me semble pas particulièrement scandaleux. Alors il y a eu la période Covid où on en a beaucoup parlé et on était là en mode les joueurs sont très protégés, mais moi le ranking actuel me semble quand même plutôt cohérent et reflète à peu près. Tu peux pas virer les points des mecs au bout d'une semaine, mais un an, je trouve que c'est un bon compromis. Moi honnêtement, je suis pas choqué par le fonctionnement du ranking et la distribution des points, en tout cas. Non, moi non plus. Et du coup, je vais te la poser autrement, Benoît. Je sais pas ce qu'il voulait dire par là, Nico, mais est-ce que tu changerais quelque chose à notre niveau, entre guillemets, le classement français, les tournois? Est-ce que tu changerais quelque chose? Parce que je sais que tu en fais plus actuellement, mais t'en as fait beaucoup et je sais que tu suis ça encore. Donc, est-ce que t'as un avis là-dessus? Alors oui, là, pour le coup, j'ai un avis plutôt tranché même sur la question. Du coup, je sais pas... je me suis pas penché dans toutes les propositions, dans les réformes qui ont été faites et tout. Enfin, pas, en tout cas, pas les propositions récentes. Mais moi, j'ai tendance à trouver que, au-delà du fait que maintenant il y a des seuils de points pour atteindre un certain classement et en plus des seuils de points, un certain ranking au niveau français, moi je trouve quand même que la répartition elle est pas bonne. Enfin, ça va être peut-être dur, mais déjà il y a des répartitions entre régions par exemple, tu vois, où un R5 en Ile-de-France n'a pas le niveau d'un R5 dans le centre de la France, je dis n'importe quoi. Il y a ça, et il y a aussi le fait que pour moi. Il y a trop d'accumulation sur les classements du haut. Moi j'ai vraiment du mal et je sais pas alors à quel point c'est possible par exemple d'appliquer, tu vois, si tu gagnes ce tournoi-là, tu prends 2000 points, etc. Mais moi je suis personnellement pas fan du classement actuel. Ok. Non, je sais pas si tu en partages ou pas du tout. En fait, moi je m'y connais pas assez. Je trouve qu'il y a trop de... Bah, par exemple, moi qui joue en Ile-de-France... Ouais. Je trouve que je suis d'accord avec l'écart. Je trouve qu'il y a trop de gens, qui vont faire des tournois en région, en province, même si j'aime pas trop ce mot, pour aller gratter des points. Donc ouais, tu vois, genre, enfin, le fait que le système permette ça, c'est vraiment dommage. Et je trouve que les interclubs, c'est mal dosé aussi. Ah ouais. C'est parfois tu te prends beaucoup trop de points, et parfois c'est des résultats en fait où les joueurs sont pas motivés pour venir jouer parce qu'ils savent que ça leur apportera rien dans les plus bas niveaux. Donc je trouve que l'équivalent tournoi interclub est pas trop réussi, je trouve. Mais il y a un vrai sujet, je pense, difficile à régler. Là, on balance des critiques en quelques mots, mais vu le nombre de réformes qui ont été tentées, c'est que c'est pas simple à régler, quoi. Exactement. Et ça, je sais aussi que c'est un problème pour pas mal de joueurs, c'est que ça change tout le temps. Ouais. Mais ça montre bien que la Fédé, ceux qui décident ce genre de choses, ils vont à tâtons et ils essayent. Et parfois, ils arrivent, parfois, beaucoup moins. I'm the bad guy. Take that. Benoît, un sujet sur lequel on a eu pas mal de questions. Là, c'est Ogodai qui nous le dit, mais je pense que je vais le lier avec la question de Willy Boy. Donc Ogodai nous dit, à un an des jeux, pourquoi ne pas vous essayer aux commentaires live de match? Et après, Willy Boy nous dit, allons plus loin, avez-vous contacté ou avez-vous été contacté pour commenter des rencontres? Top 12, tournoi français diffusé sur Badminton Europe, chaîne L'Équipe, point d'interrogation, entre parenthèses, on attendra un peu pour la BWF. Benoît, la première partie de la question, pourquoi ne pas vous essayer au commentaire live? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que ça va répondre aussi en partie à la deuxième. Honnêtement, on n'a pas préparé de réponse lisse ou quoi, on va pas vous mentir, on dira ce qu'on pense, je pense, comme on fait toujours. On y va un peu au feeling. Voilà, non mais pourquoi ne pas vous essayer? On a essayé de s'essayer. On a contacté la Fédé, notamment, on leur a proposé pour le top 12. Ça s'est pas fait, voilà. Maintenant, je pense aussi qu'on a un ton dans le podcast qui peut inquiéter, qui peut faire peur en tout cas, la Fédé ou même des chaînes ou même un tournoi, tu vois, parce qu'Orléans c'est sur YouTube, mais ça peut faire peur. Ça, je l'entends totalement parce que, effectivement, je pense que s'ils nous prennent, c'est pas pour devenir des commentateurs télé lisses qui disent pas. Enfin, tu vois, sans tomber dans la caricature de ce qu'on fait et de clasher à tout va. Je pense que si on nous prend, ce sera pour ce qu'on est, et je pense que ça peut faire peur. Mais on a essayé et on a envie de continuer à essayer, et on n'en veut à personne de nous dire non, et on n'abandonnera pas ce projet de commenter. Je sais pas trop sur quel point tu veux rebondir, il y a peut-être d'autres trucs que tu veux dire. Ouais, bah déjà, préciser que pour le top 12, quand on avait été en contact pour le faire, c'est même pas que ça s'est pas fait avec nous, c'est que ça s'est pas fait tout court, malheureusement. Oui. Bien sûr. Voilà, non, mais je précise, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Mais je pense que c'est pas tout à fait mort. Et non. Avec Benoît, on se disait que si jamais ça ne se fait pas avec la Fédé, on essaiera de le faire dans notre coin. Pourquoi pas faire un petit multiplex, par exemple, en live. Ça demande de la logistique. Ça demande de s'accorder avec les clubs qui diffusent pour nous, si on peut reprendre leur flux et diffuser, etc. Donc c'est beaucoup de contraintes. On a failli commenter des chez les clubs, pas l'idée. D'ailleurs. On l'a pas dit, mais... Ouais, c'est vrai. Allez commenter chez les clubs, pourquoi pas aussi. Et après, pour le reste, je voulais juste préciser que c'est aussi un exercice très différent de ce que nous on fait. Oui. qui est pas du tout facile. Donc il faudrait que, enfin, si on le fait avec Benoît, on aimerait le faire bien. Donc voilà, faudrait aussi que on s'entraîne, et au début ce serait compliqué, on le sait, mais voilà, on n'abandonne pas l'idée de le faire, parce que c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Donc pourquoi pas. Après, souvent sur l'équipe et en l'occurrence les tournois, par exemple à Orléans sur YouTube, il y a déjà des gens en place, donc on vient pas avec l'idée de virer ces personnes là mais on aimerait bien évidemment le faire aussi. Bah tiens Benoît, une question un peu liée de Auguste Marius. Il nous demande si on a des axes de progression sur la retransmission des matchs, pour qu'on se rende vraiment compte de la vitesse des volants, de la précision des coups. Et il nous précise, perso j'ai trouvé que les caméras qui filmaient les cours du Hong Kong Open étaient beaucoup trop hautes. À Hong Kong elles étaient particulièrement cata. Difficile de te contredire là-dessus, je suis d'accord. Oui, il y a des axes de progression. Maintenant, ce que fait la BWF sur des gros tournois, ou même ce que fait l'équipe, même si c'est, je suis pas sûr que ce soit l'équipe qui gère la réalisation, c'est quand même de la plutôt bonne qualité sur les IFB par exemple, ou sur les mondiaux. On a quand même, je trouve qu'on est quand même pas trop mal sur ces tournois là. Maintenant il y a un vrai effort à faire sur des tournois peut-être plus mineurs, et pour moi des Super 500 devraient pas être considérés comme des tournois mineurs en termes de retransmission. Donc oui, je te rejoins sur le fait qu'il y a des efforts à faire sur la façon de filmer. Maintenant, je pense que si tu regardes sur les 3-4 dernières années où il y a eu une grosse évolution, on peut espérer que ça continue dans ce sens-là. Ouais, moi cette question m'a fait rappeler je pense que c'est avant l'arrivée d'HSBC à la BWF, on n'avait pas les matchs sur YouTube, il fallait qu'on se trouve des vieux streams pour essayer de voir des matchs avec caméra fixe tout en haut du gymnase, donc il y a eu de la progression, ça c'est bien. Moi j'adorerais qu'on ait une caméra, rien qu'une caméra de chaque côté du court au niveau des barrières un peu. Des coachs, pour qu'on voit du coup les joueurs de dos et qu'on se rende beaucoup plus compte de la vitesse. Ou alors de côté, je sais qu'il y a des matchs, sur YouTube où c'est filmé du coin du terrain en fait, mais à hauteur de terrain, et c'est incroyable. T'entends le bruit, tu vois les déplacements des joueurs. Je crois que c'est une chaîne qui doit s'appeler Nice Angle Badminton, je crois, un truc comme ça. Je vous la conseille, des fois c'est des vieux matchs, mais c'est passionnant à regarder, moi j'adore. Et donc j'aimerais qu'on ait un peu une caméra comme ça, pas tout le temps, mais juste pour switcher avec les autres et pour se rendre compte un peu plus de la vitesse des déplacements, de la taille du terrain et de l'impact des frappes. J'aimerais bien des caméras plus basses. Évidemment, c'est beaucoup de moyens. Déjà qu'on ait une caméra au niveau du filet, je trouve ça bien. Mais voilà, on en aimerait toujours plus. Benoît, je vais te poser une question. C'est, est-ce que vous allez suivre les championnats du monde junior aux États-Unis et nous en parler? Arsène nous demande ça sur Insta, et après j'ai une autre question qui va être liée à celle-ci. Oui et oui. Je pense que oui, on va vous en parler. On avait fait un épisode pour les mondiaux juniors, je crois, ou en tout cas on en avait parlé l'année dernière. Et oui, enfin, on va les suivre. En tout cas, je peux pas répondre pour toi, Ewan, mais moi je suis forcément, je pense qu'on est tous hypés là dans le bad français pour suivre Alex Lagnier, mais ce sera pas le seul. Et ouais, on va suivre ça de très très près. On fera peut-être pas un épisode par équipe, un épisode individuel, mais c'est sûr qu'on regardera des matchs de ces mondiaux juniors. Ouais, je pense que le 9 octobre, on va faire un épisode où on reviendra sur pas mal de trucs. Je pense qu'on reviendra sur les championnats du monde junior par équipe, individuel, et on dira peut-être un mot avec les Jeux d'Asie. Ouais. Mais ouais, on va faire un épisode pour tout ça, donc le 9 octobre, donc juste après les Indives. Et on va suivre ça, évidemment. Et Benoît, du coup, la question, donc ça, c'était une question d'Arsène, je crois que je sais plus si je l'ai dit. Mais il y a Eric qui nous dit, Alex Lagnier, champion du monde? Point d'interrogation. Alors, est-ce qu'il veut dire champion du monde junior ou futur champion du monde? Je te laisse répondre aux deux. Champion du monde junior, ce serait déjà pas mal dans un premier temps, je crois. Ce serait... Bah, on rappelle que seul Axelsen l'a fait en Europe, donc en simple homme. Donc ce serait incroyable déjà. Ouais, ce serait incroyable parce que Christo a fait une finale. Bon, il est tombé sur un monstre générationnel, pas de chance. Ouais. Un mec qui a pas percé après, qui s'appelle Vitit Sarn. Un mec qui est pas champion du monde senior depuis, voilà. Voilà. En vrai, du coup, on a l'exemple parfait de donc Vititsarn, c'est différent parce qu'il a été triple champion du monde junior. Mais en tout cas, Vititsarn, il montre à Alex Lanier comment construire une carrière et le passage du junior jusqu'au senior déjà. Si notre Français pouvait faire la même chose, on signe direct. Hein. C'est clair. Après, pour moi, l'année dernière, il a perdu contre un mec que j'estime moins fort que lui. Il avait déjà eu du mal au tour d'avant contre un Indonésien qui sera encore là cette année. Est-ce qu'il est grand favori pour le titre? Oui, évidemment. Est-ce que je le vois champion du monde? Oui, évidemment. À 100% peut-être pas parce que déjà il revient de blessure, on l'a pas vu depuis son abandon au Danemark. Danemark, oui. Et parce qu'il y a la pression là. L'année dernière il y avait ce truc de je serai là l'année prochaine. Là il y a plus ce truc de je serai là l'année prochaine. Et c'est un titre junior certes, mais je sais pas ce que t'en penses. C'est quand même un titre majeur dans une carrière déjà. Ouais, en fait c'est particulier parce que il joue plus chez les juniors, Alex Lanier. On le voit uniquement sur des tournois seniors. Donc là en fait il va retourner un peu pour aller gagner ça, mais Benoît, les matchs qu'il joue en senior, les mecs qui jouent en senior et les mecs qui jouent en junior, c'est deux façons de jouer différentes, je trouve, et c'est pas forcément facile de se replonger sur des tournois juniors. Et on l'a vu l'année dernière, d'ailleurs, quand il est allé faire les mondiaux. Non, c'est clair. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, est-ce qu'il fait partie des favoris? Oui. Est-ce qu'il va être champion du monde à tous les coups parce qu'il est déjà passé chez les seniors et que ça va être facile pour lui? Pas du tout. Je pense pas, surtout que les Asiatiques, les juniors, on les voit pas beaucoup. Mais il y en a qui ont évidemment du gros niveau, donc voilà, et c'est la dernière chance et on espère qu'il va la saisir évidemment. Il y en a 3-4 quand même pour finir là-dessus qui sont bien solides et qui seront à surveiller de très près. C'est clair. Benoît, on nous demande notre plus gros kiff sur le terrain et en tant que spectateur. Hâte de t'entendre là-dessus. Plus gros kiff sur le terrain, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode où on parlait un peu de nous. Il n'y en a pas eu beaucoup sur les 195 de la chaîne, mais il y en a eu quelques-uns. Moi, je pense que c'était une victoire au... Bah, en fait, il y avait dans ma région, enfin, je pense que c'était partout puisqu'il y avait des championnats de France après, il y avait des championnats inter-CODEP, donc inter-département, et en fait... on était un tout petit département à côté de la Haute-Garonne qui comprend Toulouse, donc forcément c'était l'Ogre. Et cette année-là, on les bat avec mon partenaire sur un match décisif qui est maintenant un de mes meilleurs amis. Et je pense que c'était ça, on devait avoir 14-15 ans et je pense que c'était mon meilleur souvenir sur un terrain. Ok, j'aime comment t'en parles. Moi j'ai un truc tout récent, c'était la saison dernière. Je sais pas si c'est mon plus gros kiff, mais celui-là qui me vient en premier, c'était un interclub. En plus, moi je joue un interclub à un assez faible niveau, mais je joue pas beaucoup en simple, je suis plutôt un joueur de double. J'ai joué un simple sur une rencontre parce qu'il manquait des gens. Nous ça se joue en 7 matchs et je suis rentré sur le terrain, ça faisait 3-3. Donc dans ma tête j'étais en mode je vais forcément le perdre parce que le gars en plus jouait bien. Je crois que j'ai pris 21-12, 11-6 et j'ai fini par gagner le match. Donc voilà mon plus gros kiff récent en tout cas. Plutôt et propre. Après dans la saison, je n'ai plus jamais rejoué en simple en interclub. C'est mon seul match de simple de l'année. T'as tellement été bon, ils se sont dit on va pas le réaligner. Non c'est ça, le gars est trop clutch. Et je vais poursuivre en tant que spectateur. Vas-y. En tant que spectateur, moi, vous le savez, j'ai déjà dit dans le podcast, je suis fan de Chen Long. Et du coup, j'ai le gros bonheur de l'avoir vu gagner 2 IFB d'affilée. Ouais. Et surtout, le premier m'a vraiment marqué de mémoire. Il doit battre Christie en demi et Shiyushi en finale. Et notamment, cette demi face à Christie, quand je me suis dit, je vais peut-être voir mon joueur préféré gagner un titre devant mes yeux, je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et je le mettrai aussi avec... Le titre de Bo Mogensen, mes tout premiers IFB, donc ils doivent gagner en 2016 de mémoire, où là j'avais vraiment adoré aussi. On était ensemble pour Chen Long premier, deuxième c'est sûr. Les deux on était ensemble, ok. Je me souvenais plus du premier, le deuxième ouais, mais c'est vrai que c'est des beaux souvenirs aussi parce qu'on y était, je pense. Et j'y pense là plus récemment, c'est les... derniers... Non, c'est il y a 2 ans, les IFB d'il y a 2 ans, où... Ah, désolé, je mélange un peu. Où Brice Leverdez perd contre Xu Tianchen. Mais énorme match et énorme ambiance, j'ai adoré aussi. Ouais, c'était 21 ça, je crois, non ? 21, il y a 2 ans. Où on pensait tous que c'était la fin, et en fait, Brice, il a continué à tirer. Sans grande surprise. Moi aussi, c'est les IFB, et c'est mes premiers IFB aussi. Mais en tribune, parce que j'étais encore plutôt jeune et c'était avec mon père. C'est le titre de Gideon Kido, en double homme, arrivé un peu de nulle part. Kido qui jouait avec un gamin et cette paire qui est quand même assez folle. Et je me souviens que la semaine d'après, l'équipe magazine avait mis un poster taille à 4x2, là, tu sais, sur 2 pages. Et j'avais enlevé les agrafes pour le mettre dans ma chambre. Je pense que c'est ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs, mais parce que cette paire m'avait impressionné. C'était assez fou pour mes premiers IFB de voir le monde du bad et cette paire-là avait... Bah, encore une fois, j'aime beaucoup quand on t'en parle, ça se voit que ça t'a marqué. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Auguste Marius, encore lui, nous demande notre avis sur la réforme qui avait été proposée pour passer en 3-7 gagnant de 11 points. Réforme qui a été refusée 2 fois, du coup, déjà. Ça a suscité un débat sur le Discord, en tout cas, cette question. Oui, c'est vrai qu'il nous posait la question à nous, mais il y a pas mal de gens du Discord qui ont répondu, c'est intéressant. Bah, je suis curieux d'avoir ton avis, parce que je sais pas si on en avait fait un épisode, quand même, si, sur la chaîne. On en a fait un épisode, ouais, il est encore dispo, d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter. Moi, je suis... moi je suis dans la team contre, je suis contre, mais pour moi ça ne gâchera pas les matchs si ça passe. Donc je suis contre mais modéré quand même, parce que moi j'aime bien les sets qui durent et où physiquement ça commence un peu à piocher des deux côtés. Je comprends l'argument que les débuts de sets sont moins décisifs, mais c'est quand même relativement rare que on voit des paires s'écrouler en cours de set, et même justement ça donne des scénarios un peu fous aussi où tu peux rattraper même en ayant perdu le début. Donc voilà mon avis, modérément contre cette réforme. Ouais, bah, je pense que tes arguments sont aussi les miens. En fait, j'aimais pas quand Lindan ou Li Chongwei disaient « Ah bah c'est bien, on va pouvoir jouer 10 ans de plus ». Moi ça c'est un argument qui me saoulait un peu. Je suis pas vraiment d'accord en plus, enfin, c'est pas vraiment vrai, je trouve. Non, c'est pas vraiment vrai, et en plus, c'était vraiment pas pour ces arguments que j'aurais accepté la réforme. Moi, c'était plus en mode, oui, il y aura moins de temps d'attente sur les débuts de set, mais en même temps, la dramaturgie d'un match qui dure 1h30, on l'aurait peut-être perdu aussi dans ce format-là. Donc, modérément contre aussi, je trouve que c'est assez bien dit, et si elle passe pas, cette réforme, c'est que on doit pas être les seuls à être de cet avis-là. Voilà. Benoît, on va retourner sur le bat français avec une question de Justine. Aïe, aïe, aïe. Je sais ce qu'elle a demandé. Et aussi, je vais la lier un peu à une question d'Auguste Marius. Justine nous demande « Que pensez-vous du simple dame français et pourquoi il n'y a aucune performance à l'international ?» Et Auguste Marius nous dit « Comment arriver à avoir autant de densité chez les filles que chez les garçons au top niveau ?» Benoît, moi, je dois y aller, mais je te laisse répondre, ça marche ? Ça marche. D'ailleurs, j'ai Justine, si tu nous écoutes, tu sais ce que j'en pense. J'étais dit que t'allais nous mettre dans la sauce avec ta question. Il faut dire les choses. On n'a pas la réponse à comment avoir autant de densité, parce que je pense que d'autres se la sont posées, d'autres sont plus compétents que nous pour se la poser. Et vu l'état actuel du simple dame français, il n'y a pas de réponse. Parce que sinon, on n'en serait pas là. Et factuellement, le niveau actuel, il est nul. Non, mais enfin... peut-être que tu peux relire la première question, c'était qu'est-ce que vous pensez du simple dame actuel, c'est ça ? Ouais. Bah, factuellement, il est nul. Ouais. Non mais, enfin... Benoît, ce qui me fait peur, c'est au-delà de son niveau, c'est son évolution. J'ai l'impression qu'on recule dans ce tableau, alors qu'on progresse globalement sur tous les autres. Allez, le double homme, j'ai des petites réserves. On a quand même une génération. Ouais, sur le simple homme et le double mixte, et le double dame, c'est un peu compliqué aussi, mais ça, on progresse, c'est clair. Par contre, sur le simple dame, pour moi, on est en net recul. C'est surtout ça qui me fait peur, parce que si jamais on n'était pas bon, mais qu'on était un peu moins mauvais qu'il y a quelques années, je veux bien. Sauf que là, on recule. Et je parle pas de Je parle pas de Pyongyang. Hein. C'est plutôt, par exemple, on en a déjà parlé dans cet épisode, mais est-ce qu'on a l'équivalent de ce que Delphine Lansac était à son meilleur niveau ? Est-ce qu'on l'a aujourd'hui ? Non, on l'a pas, c'est clair. C'est ça qui me fait peur. Même, ça me fait un peu peur. Benoît, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ce sujet ? Bah, on avait dit qu'un jour on en ferait un épisode, mais on va pas vous cacher que c'est aussi difficile de trouver des invités pour parler de ça, et c'est normal parce que c'est un sujet qui est complexe, et en même temps on va pas inviter quelqu'un de la Fédé pour dire le niveau il est nul à chier, on n'a pas de solution, enfin tu vois, je caricature, mais c'est pas facile d'en parler. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est terrible, c'est que là, à l'instant T, moi, si demain on me demande de faire une sélection pour les JO de Paris, je préfère amener Chichoufei sur une chambre qu'une autre joueuse, tu vois. Et c'est ça qui m'inquiète. Et t'as parlé d'Anna Tatranova, c'est un peu un des seuls. Il y a Malia Oaro un peu aussi, mais pour moi, Delphine Lansac, on a eu de la chance de l'avoir et la malchance de pas savoir la garder, la préserver. Je sais pas si ça aurait pu se faire, mais moi aujourd'hui, ouais, je suis comme toi, je suis hyper inquiet parce qu'il y a eu Chichoufei qui a un peu caché tout ce marasme, mais parce qu'elle était naturalisée aussi. Il y a eu Sachina Vigne, Varan, qui a été naturalisée aussi, bon, qui a été gravement blessée. Mais, enfin, c'est hyper inquiétant, on régresse. En plus de ça, on sait que les filles ont été, pas exclues de l'INSEP, mais délocalisées, parce qu'on a réduit la place du BAD aussi à l'INSEP. Rien ne va dans le bon sens, je pense, pour améliorer ça, quoi. J'ai du mal à... Il n'y a pas moins de filles que de garçons en France, tu vois. Enfin, il n'y a pas des éléments factuels qui expliquent que... Non, peut-être moins de pratiquantes. Je sais pas, j'ai pas les stats. Mais... Et Benoît, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on parle d'Anna Tatranova, de Malia Oaro. Moi, je dis oui, mais tu vois, genre... Est-ce qu'on parlait pas de Léonie Sué, de Yael Oyo de la même manière, tu vois ? Ah bah si. Quand on les a vus arriver. On y a tous cru à cette génération. Voilà, et au final, Léonie Sué est jeune. Elle est encore jeune, mais force est de constater que alors, les courbes de progression de toutes les joueuses et joueurs ne sont pas les mêmes. Peut-être qu'elle va éclater au plus haut niveau, vraiment plus haut niveau plus tard, mais on a du mal à voir les espoirs qui avaient été placés en elle quand elle a été championne de France, quand elle avait juste 18 ans, quoi. Très clairement, aujourd'hui, elle va peut-être. En fait, ce qui est horrible, c'est de se dire qu'elle va peut-être aller à Paris. Alors, par défaut, c'est peut-être un peu dégueulasse de dire ça parce qu'elle aura fait ses perfs, mais elle va peut-être y aller parce que Chichoufei est plus capable physiquement ou qu'il n'y a personne d'autre, en fait. Et je trouve ça tellement triste de se dire ça pour nos jeux à domicile, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc, voilà, Justine, une réponse avec peu d'optimisme. Oui. Et pourquoi il n'y a jamais de perf à l'international ? Voilà, on y a un peu... on y a un peu répondu. Et aussi parce que elles gagnent pas de tournois, parce que ces joueuses-là vont peu sur des tournois plus faibles. Et quand elles y vont, malheureusement, ça passe pas non plus. Oui. Raimundo nous demande, question à venir. Comment voyez-vous la chaîne dans 2 ans? Alors, on n'en a pas vraiment parlé, toi et moi, Benoît. Donc dis-moi. Comme ça, j'aurai ta réponse à la question. Ça peut me servir aussi. J'espère que tu vas penser qu'elle existe encore. J'espère qu'elle existera encore. J'espère qu'on va continuer à se développer, que ce soit dans les concepts, les commentaires. On va pas se mentir, ça fait partie de ce qu'on aimerait faire. Je pense qu'il y a d'autres trucs qu'on aimerait faire. Je suis pas persuadé qu'on puisse en parler là. J'espère que la chaîne existera. Elle a beaucoup évolué parce que quand elle a été créée, on travaillait pas, ni toi ni moi, on était étudiants, ou sur la fin en tout cas. Maintenant on travaille, on continue. Parfois c'est plus difficile, mais on a toujours l'envie, je pense, l'envie d'aller faire, d'aller se retrouver sur des tournois, de faire des nouveaux concepts et tout. Donc j'espère qu'elle existera encore et j'espère qu'elle aura bien évolué avec des nouveaux concepts et qui sait, peut-être plein d'autres trucs. J'avoue qu'on en avait pas discuté, donc on n'a pas lissé nos réponses, mais je sais pas toi comment tu vois les choses dans 2 ans. C'est compliqué, 2 ans, c'est dur, long, ça fait quoi long, ça fait 3 ans qu'on existe maintenant. J'espère qu'on aura le temps de faire des podcasts. C'est moi, c'est ce qui nous fait le plus défaut, en fait, c'est du temps à y passer, parce que malheureusement, comme vous l'avez compris, peut-être on ne gagne pas d'argent avec ce podcast. Moi, je tiens pas à gagner de l'argent avec à tout prix, mais un moyen d'y passer plus de temps, effectivement, ce serait cool. Ouais, j'aimerais beaucoup commenter des matchs et qu'on puisse aller sur plus de... qu'on puisse aller sur plus d'événements, mais malheureusement, bah, c'est ce qui coûte cher, vous l'aurez compris, puisqu'on doit le financer nous-mêmes. Donc ouais, arriver à toujours en faire, arriver à se continuer de se professionnaliser, que ce soit dans le matériel qu'on utilise ou alors dans bah, la qualité de ce qu'on fait ou des gens qu'on reçoit. Donc voilà, et continuer d'en faire aussi souvent. Benoît, pensez-vous que la BWF et Badminton Europe font vraiment des efforts pour développer le badminton? Je pense au fait que sur les tournois de haut niveau, tous les terrains ne sont pas toujours retransmis, ou encore au faible prize money sur les tournois, ou le peu de mise en avant des stars du badminton par ces instances. C'est Anota123 qui nous pose cette question assez... où il a l'air d'en avoir un avis assez tranché sur la question. Quel est le tien? Que je ne suis pas spécialement d'accord. Okay. Pour moi, ils font énormément d'efforts. Enfin, énormément. Ils en font, en tout cas. On peut toujours faire plus. Maintenant, ils en font. Ce partenariat avec HSBC, il était déjà présent à l'époque, avant le World Tour, à l'époque Super Series. HSBC était déjà présent, mais pas autant. Enfin, je pense que leur partenariat fait énormément financièrement pour la BWF. Les price money faibles... Est-ce qu'ils sont réellement faibles? Si on compare à d'autres sports, oui, peut-être. Sur des 500, 750 et 1000, et au-dessus, JO, mondiaux, enfin JO non, mais mondiaux et finals, le price money, il n'est pas si faible. C'est difficile de répondre parce que oui, j'ai bien conscience que le top 200 de chaque tableau ne vit pas de son sport, ou en tout cas n'en vit pas aisément. Maintenant, moi j'ai l'impression quand même que les instances font des efforts dans le développement des partenariats, dans la professionnalisation de la diffusion, les droits TV, oui nous on est en Europe, on regarde ça, mais en Indonésie ou dans des pays comme ça, je pense que les droits, enfin je suis même sûr, les droits TV se vendent relativement cher. Voilà, il y a plein d'aspects, enfin en fait ça mériterait presque un épisode, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus, parce que je pense quand même, pour conclure, qu'ils font des efforts, ouais. Ils font des efforts. Après, ouais, c'est une question où on peut toujours faire plus. Oui. Effectivement, tout n'est pas retransmis. Ça, c'est encore où le prize money, c'est des questions d'argent. Par contre, sur la mise en avant, ouais, j'avoue que j'aimerais un peu autre chose. C'est vrai que là, ils tentent un peu des trucs, la BWF, notamment avec Badminton Unlimited, où on essaye de les découvrir un peu. J'aimerais plus. Moi, mon rêve, ce serait vraiment, je sais pas, une série Netflix comme Drive to Survive ou c'est plus Breakpoint, ça s'appelle, sur le tennis, je crois. Ouais. Un truc comme ça sur le bad, ce serait vraiment incroyable, parce que ça permettrait de diffuser le sport et de... Pour moi, en fait, à partir du moment où les gens connaissent un peu plus des personnalités fortes et des personnages, ils s'intéressent au sport, donc ce serait un bon moyen. Pour la diffusion, ouais, autant la BWF fait des efforts, autant Badminton Europe, pour le coup, ce qu'ils font, je trouve ça vraiment pas très moins propre. Après, c'est encore une fois une question d'argent. Et je sais pas, même sur les gros tournois, tu vois, ça manque. Alors moi, j'adore, genre par exemple les commentaires de Gil Clark et tout, mais je sais pas, ça manque d'une émission en plateau où on voit les joueurs venir parler de leur match. Tu vois, un truc un peu comme ça. Là, c'est bon, tu regardes ton match qui est commenté et après ça switch sur YouTube et il y a rien qui fait le lien vraiment, tu vois. Et moi, j'adorerais voir ça. Je pense que ça permettrait aussi de voir les joueurs et de les voir parler de leur match. Je trouve que ça apporterait quand même quelque chose. Après, on en revient au nerf de la guerre, qui est vraiment l'argent, quoi. Et il en manquera tout le temps. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de faire un peu plus pour faire connaître les joueurs, tu vois. Oui, bah je te rejoins totalement sur ce point-là. En fait, par exemple, on couperait pas la cam et on laisserait Gil Clark enchaîner en disant « Ah ben on retrouve je sais pas qui en interview, voilà, et qui enchaîne avec le match suivant. » C'est des petits trucs qui pourraient rajouter un peu de professionnalisme à notre sport. Maintenant, il y a aussi le fait que dans notre sport, on peut jouer 15 heures d'affilée. Et ça peut parfois compliquer certaines choses, tu vois. Mais oui. Mais justement, est-ce que tu es obligé de voir toutes les minutes de tous les matchs tout le temps, tu vois, genre dans les premiers tours, est-ce que tu peux pas faire une émission en plateau et de temps en temps tu vas voir, je sais pas, t'es pas obligé de voir le début du set de chaque double homme, tu vois ce que je veux dire? Et puis si t'as les droits. Il y a des mecs, Il y a des mecs, je sais pas, j'ai entendu Vitingus qui a commenté pendant certains JO. Il y a Langridge maintenant qui commente. C'est des mecs, tu vois, genre j'aime bien les entendre, mais les gens, enfin, si t'écoutes pas attentivement, tu sais même pas qui c'est. Ouais. J'aimerais les voir, tu vois, les voir et les voir parler un peu des matchs, les voir s'entretenir avec des joueurs actuels, tu vois. Genre, je trouve ça manque. Le BAD manque un peu d'incarnation, je trouve. Ouais, je comprends totalement. Et puis même si on pourrait, à partir du moment où tu as les droits, tu peux aussi diffuser sur un deuxième canal sans commentaire l'intégralité des matchs et que des matchs, tu vois. Ouais, voilà. Je suis d'accord là, avec toi. Tu pourrais nous mettre effectivement des canaux avec les trois cours et trois matchs et un truc principal où tu as une émission et ça switch un peu. Enfin, moi, j'adorerais, tu vois. Je trouve que ça permettrait d'incarner, tu vois. Pareil, Gil Clark, tout le monde connaît sa voix. Il y a combien de gens qui connaissent sa tête, tu vois? Toi, parce que t'as déjeuné avec elle, mais... J'aimerais bien. Non, mais je suis d'accord, il y a du taf. On parlait d'ailleurs, je coupe, pardon, les interviews qu'on rêverait de faire. Moi, Gil Clark, elle est tout en haut de ma liste. Bah, bien sûr. La question de Richard du début, là. J'avais oublié, c'est vrai. J'avais oublié, mais qu'est-ce que je kifferais pour lui parler un petit peu. Oui. Look at this, look at that. Rémi nous demande, à quand des lives avec les gens du Discord? Bah, je vais commencer là-dessus. Mm-hmm. On aimerait bien, je pense que le Discord, c'est, à terme, c'était clairement pour ça. Je pense, j'en ai pas parlé avec Benoît, donc tu me diras juste après si t'es d'accord. Je pense qu'on commencera pas forcément par des lives, parce qu'en termes de logistique, déjà, quand c'est juste Benoît et moi, faut qu'on s'y prenne avant, faut qu'on fasse des tests, etc. Mais pourquoi pas commencer par des épisodes avec des gens du Discord? Par exemple, nous, on pensait par exemple faire... un épisode anecdote, comme celui qu'on avait fait avec Caroline, où on parle un peu de nous en tournoi, mais sauf que ce soit Caroline, Benoît ou moi, on va vite tourner en rond, donc il nous faut un peu de la fraîcheur, et les gens du Discord ou des auditeurs en général, ce serait un bon moyen de faire ça, et je pense qu'on va le faire dans les semaines, mois à venir, on va essayer d'en faire un premier, et voir comment ça se passe. Bah, Rémi qui pose la question, d'ailleurs, on en a discuté avec lui, on sait qu'il est à le Verdez Academy depuis peu, et on lui a proposé, quand il aurait fait plusieurs mois, de venir en parler dans le podcast, nous dire comment c'était et tout, donc c'est des premières pistes, je pense. Et comme tu l'as dit, c'est peut-être plus simple dans un premier temps, mais je pense que des projets de libre antenne ou ce genre de trucs, c'est pas impossible. Ça pourrait être cool en fait, sans être 15, mais à faire venir parler à tour de rôle sur un sujet de la libre antenne, de la semaine, de une fois toutes les deux semaines, j'en sais rien, tu vois. Ça, c'est des choses qui pourraient se faire. Maintenant, c'est ce que tu as dit, c'est le temps qu'on n'a pas. On a des temps qui nous prennent, des tafs qui nous prennent à 120% de notre temps, peut-être. On a une vie perso, et puis dans cette vie perso, il faut intégrer le podcast. Ça fait aussi partie des trucs, les lives, qui font que on aimerait, et on l'aurait sûrement fait si on était encore étudiant. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie de s'organiser comme on peut, et forcément, on avance moins que si on avait 100% de notre temps à dédier au podcast. Mais oui, pour répondre clairement, oui, on envisage de faire des lives avec les gens du Discord, et pas forcément du Discord. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le Discord pour qu'on vous invite en live. Alors il y a Tom sur Instagram qui nous avait demandé qui est votre joueur préféré actuel de Simple Homme. Mais Ayoub sur Instagram nous a dit quels sont vos joueurs préférés dans chaque tableau. Donc on va faire évidemment les deux d'un coup. En Simple Homme, alors je vais commencer, tiens. En Simple Homme, je me suis rendu compte que actuellement je n'ai pas de joueur préféré. Bon, alors j'aime beaucoup, on l'a déjà dit, j'aime beaucoup la personnalité de Vitingus et un peu son style de jeu, mais on le voit quasiment plus et on le voit quasiment plus gagner des matchs, alors... je le compte pas vraiment. Et actuellement, c'est aussi pour ça que j'ai un peu un désamour sur le Simple Homme. Il n'y a aucun joueur qui me fait vraiment rêver. J'aime certains joueurs pour certains aspects. J'aime le côté spectaculaire de Lizidia. J'aime l'intelligence de jeu d'Antonsen. Mais je n'ai personnellement pas de joueur préféré de Simple Homme. Surtout depuis la retraite de Chen Long. Je sais pas si toi, t'en as un. J'en ai un, mais c'est drôle parce que je me suis fait la même remarque. Aussi parce que je pense qu'on a grandi avec la même génération de joueurs. Et qu'on était fan de certains de ces mecs-là. Et que c'est peut-être aussi... aujourd'hui, on a moins un œil de... on est toujours fan de bat, c'est pas la question. Mais on a moins cet œil de juste fan de bat, tu vois. Donc peut-être on s'attache différemment. En tout cas, moins fan de joueur. Moi, je suis plus fan de bat que de joueur ou joueuse maintenant, c'est vrai. Mais après, moi, j'ai un amour pour Viti Tsarn. Parce qu'on le suit depuis très longtemps, toi et moi, bien avant ce podcast. Et voilà pourquoi je répondrais Viti Tsarn. Mais je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas cet amour de Viti Tsarn comme j'ai pu l'avoir de Lee Chong Wei quand j'ai appris à aimer le bat de haut niveau, quoi, par exemple. Simple dame, moi c'est simple, c'est Carolina Marin. J'aime, j'aime qu'elle vienne d'un... Alors, elle vient d'un pays que j'aime bien, qui n'a aucune... Je vais un peu caricaturer, qui n'a aucune histoire dans le badminton. Mm-hmm. J'adore son caractère, j'adore son style de jeu, où elle est puissante, mais beaucoup plus technique que ce qu'on pourrait nous faire croire. J'aime bien le fait qu'elle soit un peu controversée, qu'elle apporte un truc différent dans le bad, parce qu'elle crie beaucoup, mais que parfois, je trouve que le bad est un peu trop lisse, surtout dans le simple dame, où... Il n'y a pas trop l'habitude d'entendre ce genre de truc-là. J'aime aussi Han Se-young un peu pour la même raison. Je trouve qu'elle apporte aussi un caractère qu'il n'y avait pas trop. Donc voilà, pas difficile pour moi, Carolina Marin, 100%. Pas difficile pour moi. Je pense que c'est le tableau le moins difficile et il n'y aura pas de surprise pour personne. Tai Tsui-ying. Je pense que tout le monde le sait. Ceux qui nous connaissent de Badmania ou ceux qui nous connaissent du podcast l'ont entendu. Je suis amoureux de Tai Tsui-ying. Et du jeu qu'elle produit, surtout en premier, on avait écrit toi et moi un dossier, c'est d'ailleurs peut-être le seul dossier qu'on a écrit ensemble pour Badmania à l'époque, et ouais, Tai Tsui-ying, voilà. C'est beau. Deux joueuses un peu plus en retrait maintenant, et oui. Deux joueuses, je pense, qui sont beaucoup plus près de la fin de leur carrière que du début, et ça va être compliqué à vivre pour nous, on vous prévient direct. Le double homme, Benoît. Eh ben, tu sais que c'est le tableau où je me suis rendu compte, comme toi, un peu pour le simple homme, que j'ai été amoureux de... J'ai été grand fan de joueurs. Et aujourd'hui, j'ai pas une paire favorite. Tu vois, à part les Minions, mais parce que... Enfin, ouais, non, en fait, je vais pas en inventer une. Je pense que j'ai pas de paire que je kiffe absolument, tu vois. Ok. Moi, il y a Hassan Setiawan, ouais. Pour des raisons aussi historiques que pour le jeu. Alors, en fait, je trouve ça cool que ce soit des mecs qui m'ont fait rêver depuis que je suis le bad et qui jouent encore à un niveau qui est correct. Alors, on peut dire qu'ils avancent plus, qu'ils sont vieux, mais je trouve qu'ils ont encore largement un niveau de top 10, ce qui est quand même à leur âge assez incroyable. Donc voilà. Et dans les paires plus récentes, j'aime beaucoup Ranky Reddy et Chetty, moi. Ouais, okay. Un peu pareil, pour la même raison que Carolina Marin, ils viennent d'un pays qui n'a pas une histoire incroyable au niveau du bad. Ils ont un style de jeu assez différent dû à leur physique. C'est des mecs qui sont vraiment super grands et on en voit peu des comme ça. Donc voilà, et ils ont l'air d'être assez cool avec leur personnalité. Et en plus, le petit bonus, ils sont coachés par Mathias Beu, qui était mon joueur préféré. Donc tous les ingrédients sont là. Et après, j'avoue que j'adore Suka Mulyo. En fait, c'est impossible de pas aimer le bad, aimer le bad et de pas aimer Suka Mulyo. Il est insupportable, mais à la fois génial, et c'est pour ça qu'on l'aime. Et j'espère qu'on le reverra jouer à un bon niveau, parce que voilà, c'est un mec. C'est que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est le genre de gars qui te fait regarder des matchs et pas juste des résultats sur un tableau Tournament Software, quoi. Je partage. En double dame, alors là, pareil, difficile. Je pense que je vais aller vers la nouvelle génération dont on a parlé récemment, dont la semaine dernière. Moi, je pense que Tantina est actuellement. C'est récent, hein, mais je pense que c'est la paire que je préfère jouer. Avant, c'était peut-être Polira Ayu jusqu'au dernier JO. Mm-hmm. Et donc, j'ai eu la chance de les voir gagner un titre olympique. Maintenant, je dirais Tantina qui apporte un... Pas toute seule, hein, on en a déjà parlé, mais qui apporte un truc nouveau. Et j'aime bien leur personnalité aussi. Voilà, les Malaisiennes Tantina pour moi. Moi, ce sera RCT Ninty. Parce qu'on les a beaucoup suivis chez les juniors. Moi, j'y voyais vraiment une future paire numéro 1 européenne. Vraiment en elle. Je pense qu'en Europe, c'est une des rares paires qui a été capable de rivaliser chez les juniors avec l'Asie. Assez inexplicablement, toutes les joueuses turques ont disparu du circuit il y a 2 ans. Aujourd'hui, elles commencent à réapparaître. D'ailleurs, à l'instant où je parle, je crois qu'elles viennent de gagner en Pologne et retour dans le top 60 mondial. Mais pour moi, c'est vraiment une paire qui est... En plus, dans le... entre guillemets, marasme un peu du double dame européen aujourd'hui, même si, bon, il y a une semaine, Fogarty-Gessen faisait une des meilleures perfs de leur carrière. Je pense qu'elles ont vraiment une place à prendre, et moi, je kiffais vraiment bien cette paire. Il nous reste le double mixte. Oui. Moi, je vais commencer, je vais dire que dans le double mixte actuel, je pense que c'est Poivranoukro, Taira Tanachai. Je pense que c'est soit eux, soit Watanabe et Higashino. Okay. Ma paire rêvée, ce serait Watanabe, Taira, Tanachai. Il y aurait les deux côtés de la paire que je préfère. Okay. Mais j'adore Sapsiri, Taira, Tanachai. Je pense que c'est ma joueuse de mixte préférée. Et mon joueur préféré, c'est Watanabe. Voilà. Donc les paires dans lesquelles ils sont mes deux paires préf. Et ben moi, c'est Watanabe et Higashino. Tout simplement, c'est mes et deux joueurs préférés du mixte, filles et garçons. Filles et garçons confondus, j'adore les deux profils. Watanabe, peut-être parce que, alors, ne sortez pas ça de son contexte, mais je me retrouve en lui un peu physiquement. Quoi, tu penses que t'es aussi fort? Ouais, je pense même pas être aussi fort que... Bref, je vais pas... Non, je vais pas me lancer là-dedans. Non, cite pas de nom, continue. Non, mais voilà, physiquement, je trouve ça admirable que il a clairement pas un physique où dans beaucoup de sports, c'est difficile quand même de s'inscrire dans le haut niveau. Et puis, il a un style de jeu qui, pareil, tu regardes. Très clairement, tu regardes. Et moi, j'aime vraiment beaucoup cette paire... j'aime beaucoup cette paire. Je pense qu'elle en fait kiffer beaucoup et j'espère les voir remporter un grand titre un jour. Ok, on n'a évidemment pas cité de français là-dedans puisqu'on est un peu, on est forcément biaisé. Hein, mais vous avez compris que vu le temps qu'on passe à parler de Tom Jiquel et Delphine Delrue, vous avez compris qu'on aime beaucoup les voir jouer. Et d'ailleurs, même s'ils n'étaient pas français, eux, je pense que j'aimerais particulièrement puisqu'ils ont un style de jeu assez original aussi en double mixte. Oh my goodness! Alors, où on en était? Tiens, on va retourner un peu du côté de notre pays. Question politique. Pourquoi la fédération est si instable? Alors là, ce genre de question pour nous mettre dans la sauce et nous mettre en difficulté, je pense qu'il n'y avait vraiment pas mieux. En plus, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, mais c'est difficile de répondre. Voire impossible de répondre. Oui, parce qu'il y a des facteurs incontrôlables, indescriptibles. On n'est pas au sein de la Fédé tous les jours. Et en soi, il y a eu des événements récents qui vont dans ce sens, mais moi, je ne la trouve pas si instable que ça, notre Fédé. Honnêtement, j'ai même l'impression qu'elle travaille dans le bon sens, en tout cas dans le développement du haut niveau, même si je sais qu'il n'y a pas que ça. On a quand même un président dans lequel beaucoup ont cru. Beaucoup croient toujours peut-être, je sais pas, il faudrait demander aux gens qui ont voté pour lui à sa dernière élection, mais la vérité c'est que même nous quand on l'a reçu, les gens se disaient qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau, qu'il était en train d'insuffler et tout, et j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance en plus, mais moi j'ai pas l'impression, alors on peut dire que c'est instable, mais j'ai pas l'impression qu'on aille dans le mauvais sens. Non, moi non plus. Alors, les événements récents ajoutent au fait de l'instabilité, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé dans le podcast, mais il y a eu une assemblée générale où Johan Penel et son équipe ont failli sauter, ce qui n'arrivera finalement pas, pour pas mal de questions qu'on n'a pas trop le temps d'aborder ici. Non, moi, c'est vrai que je trouvais que j'y croyais un peu aussi au début de cette présidence, et c'est vrai que c'est pas si instable que ça. Il y a certains où, par exemple, on parlait du classement tout à l'heure, ça, à chaque président, il annule ce que celui d'avant a fait. Et ça contribue un peu à l'instabilité. Mais sinon, j'avoue que je me sens pas de me lancer là-dedans, tout simplement parce que j'ai pas assez les compétences pour comprendre les instances. Et je pense que les moyens très limités qu'il y a à notre disposition... Et la pression de résultats, notamment des Jeux Olympiques à la maison en 2024, ça n'aide pas à faire quelque chose de stable. Prochaine question. On arrive tout doucement vers la fin, il en reste à peu près 4-5. Tant mieux puisque ça fait longtemps qu'on parle. Guillaume nous a demandé sur Instagram, pourriez-vous, si vous vous sentez capable, aborder plus en profondeur dans vos podcasts l'aspect technique des rencontres les plus intéressantes des gros tournois, en essayant de varier les joueurs pour également expliquer un peu le profil de chacun au fur et à mesure des épisodes. Moi, je vais commencer en disant que... j'aimerais bien, mais je me sens pas assez légitime personnellement pour faire ça. Tout simplement parce que mon niveau en BAD, mon niveau personnel, il est trop faible. Et que je peux remarquer certains trucs techniques et tactiques en regardant un match, mais je me sentirais pas capable de faire tout un épisode sur l'analyse d'un match, tout simplement moi par manque de légitimité et de capacité. Je pense que c'est une partie de la réponse, mais on a déjà, dans notre liste d'épisodes par exemple, tu vois, on a analysé le jeu d'un joueur et en faire un épisode, mais c'est vrai que sur 4-5 minutes on pourrait faire un peu plus que ce qu'on fait actuellement, mais sur 4-5 minutes, on détaillera pas, enfin, on analysera pas l'ensemble d'un match, ça c'est sûr. En fait, c'est difficile à expliquer, mais on a aussi voulu... Le BAD, c'est un sport de niche, déjà, faut se dire les choses. Et on a aussi envie d'être le plus tout public possible, parce qu'on a aussi besoin de ça pour avoir des auditeurs. Si demain, on se met à analyser le jeu de jambes de Victor Axelsen, je pense pas que la majorité des auditeurs soient intéressés par ça. Alors oui, c'est intéressant, et nous, ça nous intéresserait de le faire, je pense aussi, même si parfois on se sent pas légitime de le faire, et moi pareil que toi Ewan, maintenant c'est pas aussi, enfin le faire à chaque épisode, j'ai envie de dire que c'est pas forcément ce que nous on a cherché à développer, et puis en plus de ça il y a des anciens joueurs qui le font très bien et qui le vendent depuis peu. Alors pour résumer ce que Benoît a dit, si on le ferait ce serait pas gratos, donc c'est pas du tout ce qu'il a dit. Oui, je suis totalement d'accord avec l'aspect niche. C'est vrai que pas sûr que ça intéresse énormément de gens. Moi, je préférerais faire des trucs un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec la série Netflix. Moi, le rêve, ce serait plus de faire des épisodes qui présentent des joueurs et des profils ou même des vidéos, ouais. Plus que des analyses tactiques, je trouve. Oui. Benoît, une question toute simple de Timéo. Lindan ou Lee Chong-wei ? Bah, vous le savez, enfin, je l'ai déjà dit. On a fait un épisode en plus. Chacun a eu son épisode de retraite, non ? Ici. Non, Lee Chong-wei, on a fait un épisode sur son film, oui. Sur son biopic, mais où on a parlé plus largement de sa carrière. Lee Chong-wei. Et Lindan, c'était le tout premier épisode de ce podcast. Voilà. Où il venait d'annoncer sa retraite. Lee Chong-wei pour Benoît, Lindan pour moi. Voilà. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi ou pas ? Je pense qu'on l'a déjà plus ou moins fait, mais je peux en fait, une minute, voilà, un petit pourquoi, quoi. Son jeu, moi, c'est son jeu ultra offensif. Enfin, le fait qu'il ait régné aussi longtemps. Alors oui, il n'y a pas de titre majeur, blablabla, bla, bla, je sais. Je comprendrai toujours l'argument et je l'entendrai d'ailleurs qu'on me dise qu'on met Lindan devant. Mais en termes de kiff, moi, c'est Lee Chong-wei parce que... Ben, en fait, la vérité, c'est que chaque semaine, tu voyais briller un mec et c'était Lee Chong-wei. Lindan, il a brillé dans les grands rendez-vous. Et ça, personne ne lui enlèvera, et il m'a fait kiffer aussi. Mais celui que tu voyais chaque semaine répéter ses gammes et être aussi fort, c'était Lee Chong-wei, en termes de constance. Moi, Lindan, évidemment. Enfin, évidemment. Lindan, je trouve que s'il y avait. Je sais pas, s'il y avait une histoire du bad, si le bad c'était un film, Lindan, ce serait à la fois le grand méchant, mais aussi le boss de fin invincible. Parce que ouais. Tu l'as dit, Lee Chong-wei, il a plus le profil d'un gentil. C'est le mec qui, toutes les semaines, il est là, il se bat. Et à chaque fois qu'il arrive en finale d'un grand titre, il prend toujours le même. Lindan, le côté, là où je dis côté méchant, c'est qu'aussi, il est chinois. Il était à la tête, entre guillemets, de la fédé, qui est toujours la fédé la plus puissante. Et le fait qu'ils savent appuyer sur le bouton on-off dès qu'il faut, je trouve ça à la fois, ça peut être détestable, mais je trouve ça impressionnant. Il y a le charisme. On a maintenant, ça manque d'un mec comme lui, qui personne n'a eu le charisme de Lindan en simple homme après lui. Et le style de jeu, moi j'adore Lindan, c'est un mec qui, je sais pas, c'est dur de lui trouver un coup fort. Mais c'est impossible de lui trouver un coup faible, il sait tout faire. Moi, j'adorais le voir jouer. Et je trouve qu'on devrait... Lee Chong-wei, on l'entend un peu plus. Je trouve qu'on devrait entendre un peu plus Lindan maintenant, dans le monde du bad actuel. Je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées. Mais si tu écoutes Lindan, exprime-toi un peu. Merci. Quand je prends le volant, c'est pas pour jouer au badminton, wesh. Alors, il nous reste une question dans chaque partie, si j'ai bien vu. Alors, Jacob qui nous dit, pouvez-vous dire Kititarakul Prajongjai 10 fois de suite sans fourcher ? On va pas le dire 10 fois de suite, mais je pense que Benoît et moi, on a prouvé dans ce podcast qu'on allait au charbon quand il s'agissait de prononcer des noms, et surtout les Thaïlandais qui sont vraiment pas faciles. Ouais, y a, c'est même pas la plus dure, j'ai envie de dire. Mais... Non, bah, c'est surtout qu'on a l'habitude maintenant, c'est surtout quand il y en a qu'on découvre, qu'on n'a jamais vu. C'est compliqué, surtout que bon, j'en s'entraîne pas à les prononcer avant. Pour Kititarakul Prajongjai, ça va, on les voit toutes les semaines, donc à force, c'est rentré, quoi. On a déjà prouvé, voilà. Voilà, exactement. Thibaut, sur Insta, nous dit, comment allez-vous suivre les JO sur Internet ou sur place ? Et ben, c'est la grande question, Benoît, qui dépend pas de nous. Qui dépend pas de nous, évidemment. Ben, je crois qu'on peut le dire, on sera aux IFB cette année. Normalement. Ouais, bon, j'allais le dire à la fin ou dans un autre épisode, mais oui, pardon. Vas-y, on le redira dans un autre épisode, mais voilà, sachez déjà que quand on peut, on a déjà fait les IFB ensemble. On a fait un partenariat avec la Fédé d'ailleurs. Il y a deux ans, ouais. On a fait Orléans. Il y a aussi 2 ans. La même année. 3 ans. Enfin, juste en suivant. On n'a pas toujours pu le faire pour des raisons pro, perso, parce que c'était pas possible, mais on sera aux IFB cette année. Et évidemment. Enfin, évidemment qu'on aimerait être sur place au jeu, ça dépend pas de nous très clairement, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que pour les IFB, parce que c'est pas géré par les mêmes personnes, parce qu'on n'a pas de garde-presse non plus, ça joue. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Ouais. ouais, va ouais. monter un projet, le proposer voilà. à la Fédé. Et nous, ce qu'on veut, c'est, encore une fois, même pas gagner d'argent, on va leur dire, ce qu'on veut, c'est y aller. Vous nous mettez là-bas, on fait ce que vous voulez. S'il faut faire le ménage, on fera le ménage, y a pas de problème. En gros, c'est un peu ça, quoi. Mais on n'est pas on est moins optimiste que sur des IFV, par exemple, parce que effectivement, tu dois passer par la BWF, je sais pas, le CEO, je sais pas qui. Mais voilà, on adorerait évidemment parce que c'est une opportunité unique et on va tout faire pour pouvoir y aller, évidemment. Et même si on peut pas y aller, on vous fera vivre ça minute par minute. Il y a pas de problème. Alors là, ça annonce la couleur. Question polémique et dangereuse. Votre avis sur le dopage en badminton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'ai pas grand-chose à dire non plus là-dessus, j'avoue. Bah, on n'est pas dupes. Enfin, moi, je sais pas si la question fait à une référence ou quoi, mais on a vu sur les réseaux il y a quelques semaines Thibaut InShape se prendre un énorme déferlement en disant que la majorité des sportifs de haut niveau étaient dopés. J'irai pas jusque-là parce que je suis pas d'accord avec ça. Maintenant, on a conscience que le dopage existe dans le bad. Le Cali Changwe, certes, mais il n'y a pas eu que lui, puisque j'ai en tête une joueuse qui a été contrôlée positive. C'était. J'ai perdu son nom. Merci. Kate Foukoun, la joueuse de mauritanienne qui a joué en France, à ICI, de mémoire. Voilà, qui a arrêté sa carrière depuis. Il y a eu d'autres joueurs qui ont été contrôlés positifs à des produits interdits. On n'est pas naïf, je pense, ni toi, ni moi, Ewan. Maintenant, je pense pas que ce soit plus ou moins que dans d'autres sports. Je pense pas que ce soit une pratique généralisée. Je sais pas trop ce qu'on pourrait en dire. Non, en fait, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quel point c'est checké au bad. Genre, est-ce qu'on est plutôt strict là-dessus ou pas ? Ouais. Et j'avoue que j'en ai aucune idée. Donc, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que t'as dit. Voilà, pas grand-chose à rajouter. Je pense que ça mérite qu'on essaye de s'y pencher. C'est un épisode qui nous demanderait pas mal de recherche parce que comme vous avez vu, on connaît pas grand-chose sur le sujet, mais on va le faire, de se renseigner un peu plus. Et on va finir avec une question assez générale de David sur Discord. Comment voyez-vous globalement le futur du bad en France ? Alors là, c'est très très large comme question et beaucoup de choses à dire, j'imagine, Benoît. J'allais te demander si tu voulais t'y lancer, mais visiblement tu veux pas. Non, en fait, les questions qui sont un peu faciles à répondre, où j'ai déjà des réponses en tête, j'y vais. Comme ça, je fais un peu le malin et toi, t'as rien à rajouter. Les questions un peu compliquées, je te laisse. Puis après, je dis, ouais, non, mais Benoît avait dit ce que je voulais dire. Donc voilà. C'est un truc qui mériterait un épisode, presque. Tu vois, comment on voit le bad français dans 10 ans. On en a parlé tout à l'heure, mais moi, je pense qu'on va dans le bon sens au niveau du développement des staffs de haut niveau. Je sais pas si par le futur du bad en France, il parle de haut niveau, mais là, pour le coup, je pense que oui, plus que tout à l'heure. Je pense qu'on va dans le bon sens. Maintenant, je pense qu'il faut plus de travail avec les petits clubs, entre guillemets, où il y a besoin de plus d'accompagnement pour les jeunes, ce genre de trucs. Ou en tout cas, pas plus d'accompagnement, mais plus de pont entre les petits clubs et plus haut, tu vois, pour vraiment que le système soit global. Mais je pense quand même qu'on travaille bien. Les choix d'entraîneurs, de staff me semblent plutôt judicieux. Je sais pas si on va sortir des champions dans 10 ans, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas on fait des choix qui, à mon avis, peuvent permettre de développer notre sport, de développer des champions dans notre sport. Maintenant, tu nous le dis, comment vous voyez dans le futur, on peut jamais savoir précisément ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens. Ouais, et c'est vrai que au haut niveau, moi, je me demande aussi si les académies locales, voire privées, comme ce que font les pop-off ou les centres d'entraînement, je pense que ça va continuer à se généraliser, moi. Je dis pas que l'INSEP, c'est pas bien, mais je pense que ça peut faire des émules. Je pense aussi que on a potentiellement la meilleure génération qu'on ait jamais eue, qui arrive là. Donc, hâte de voir ce que tous ces joueurs et joueuses vont faire au plus haut niveau. Notamment, par exemple, au JO de 2028, même si c'est encore un peu loin. Je trouve ça aussi qu'il y a des bons choix. Notamment, je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'arrivée de Fernando Rivas à la Fédé. Je trouve ça bien qu'on s'ouvre un peu. Vers d'autres pays et notamment des personnes qui s'y connaissent parfois mieux que nous. Et ouais, je trouve que on va plutôt dans le bon sens, mais que le travail reste compliqué et large, puisque bah voilà, notre sport, il faut toujours qu'il se professionnalise. Et il faut qu'on encourage les jeunes à faire du bad, c'est aussi ça le truc. Donc voilà, une large question. Benoît, je pense qu'on a fini, on avait 27 questions, donc merci à toutes et tous d'en avoir posé. Si jamais vous dites, ah bah tiens là je pense à un truc, j'ai pas eu le temps de le poser, on refera une FAQ, mais en attendant, vous pouvez toujours nous la mettre dans les commentaires, ou sur le Discord, ou sur les réseaux sociaux, on vous y répondra à l'écrit, hein. Y a pas de problème. Voilà, Benoît. On a des tournois qui arrivent, notamment on a dit le 9 octobre on aura les championnats du monde junior, il y a les Jeux d'Asie, hein, le top 12 qui revient, et après il y a la tournée européenne qui arrive, alors avec l'Open en Finlande, celui au Danemark et celui en France, où encore une fois on sera sur la deuxième moitié de la semaine, le vendredi, le samedi et le dimanche, que ce sera à Rennes, je le rappelle, donc on en reparlera des IFB, mais on essaiera de faire un truc pour vous rencontrer, pour ceux qui y seront. Là où je veux en venir, c'est que lundi prochain, il n'y a toujours pas de tournoi, mais on a un épisode qu'on a assez hâte de vous faire écouter. Benoît, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu, s'il te plaît ? Oh bah, je peux présenter notre invité. On va parler prépa mentale et de manière générale, on va parler suivi mental, psychologique des athlètes de haut niveau dans le BAD. Je veux pas dire de bêtises sur son intitulé de poste, mais disons que c'est une préparatrice mentale de l'INSEP. Voilà, donc on va recevoir Anaëlle Malherbe, qui est, comme l'a dit Benoît, est psychologue clinicienne du sport, je crois que c'était ça. Oui. Ouais, exactement. Son intitulé exact. Elle travaille notamment voilà, avec les joueurs de l'équipe de France qui s'entraînent à l'INSEP. Donc on s'est entretenu avec elle pendant, je sais pas, 40 minutes à peu près. C'est déjà enregistré. Et avec Benoît, pour tout vous dire, on a adoré. Puisque c'est un domaine auquel on connaissait peu. Et donc je pense qu'à tout niveau, c'est intéressant de l'écouter en tant que, voilà, qu'observateur extérieur, mais également en tant que sportif et même amateur. Je pense qu'il y a à apprendre pour tout le monde et on a très très hâte de vous faire écouter ça. Du coup, voilà, lundi prochain, ce sera le 2 octobre, pardon, interview d'Anaëlle Malherbe. Merci Benoît d'avoir fait cette FAQ avec moi. On en refera, c'était cool. Eh ben, c'était très très cool et oui, on en refera pour le 500e épisode maintenant, voilà. D'ici 3 ans. Et ben, merci à toi et merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. Voilà, j'ai pas spécialement préparé de choses à dire, ça se voit, mais 200 épisodes, même si on n'y est pas tout à fait, si on nous avait dit ça quand on a créé le podcast, on n'y aurait peut-être pas cru. Moi je trouve ça incroyable de continuer à en faire toutes les semaines et de sentir qu'on est écouté, et c'est justement quand on vous demande des trucs comme est-ce que vous avez des questions, qu'on voit qu'il y a des gens qui nous écoutent et des gens qui se manifestent pas forcément d'habitude, donc merci à vous, que vous soyez dans la majorité, on va dire silencieuse, ou que ceux qui nous parlent sur les réseaux sociaux ou sur le Discord, merci à vous de nous écouter, ça nous fait vraiment trop plaisir, et comme vous l'avez sûrement compris, on ne compte pas s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine avec l'interview d'Anaëlle Malherbe et ensuite ce sera les championnats du monde junior. À la prochaine, portez-vous bien. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给手中，绝不等候。你是否在经历这平凡的？